Chapitre 3. Massillon. Si nous franchissons maintenant plusieurs siècles, nous arriverons à des orateurs dont les seuls noms embarrassent beaucoup certaines gens, car ils sentent que des sophismes ne suffisent pas pour détruire l'autorité qu'emportent avec eux Bossuet, Fénelon, Massillon, Bourdaloue, Fléchier, Mascaron, l'abbé Poule. Il nous est dur de courir rapidement sur tant de richesses et de ne pouvoir nous arrêter à chacun de ces orateurs. Mais comment choisir au milieu de ces trésors? Comment citer au lecteur des choses qui lui soient inconnues? Ne grossirions-nous pas trop ces pages en les chargeant de ces illustres preuves de la beauté du christianisme? Nous n'emploierons donc pas toutes nos armes. Nous n'abuserons pas de nos avantages, de peur de jeter, en pressant trop l'évidence, les ennemis du christianisme dans l'obstination, dernier refuge de l'esprit de sophisme poussé à bout. Ainsi, nous ne ferons paraître, à l'appui de nos raisonnements, ni Fénelon, si plein d'onction dans les méditations chrétiennes, ni Bourdaloue, force et victoire de la doctrine évangélique. Nous n'appellerons à notre secours ni les savantes compositions de Fléchier, ni la brillante imagination du dernier des orateurs chrétiens, l'abbé Poule. Ô religion, quels ont été tes triomphes ! Qui pouvait douter de ta beauté lorsque Fénelon et Bossuet occupaient tes chairs ? Lorsque Bourdaloue instruisait d'une voix grave un monarque alors heureux, à qui, dans ses revers, le ciel miséricordieux réservait le doux Massillon. Non toutefois que l'évêque de Clermont n'ait en partage que la tendresse du génie, il sait aussi faire entendre des sons mâles et vigoureux. Il nous semble qu'on a vanté trop exclusivement son petit carême. L'auteur y montre sans doute une grande connaissance du cœur humain, des vues fines sur les vices des cours, des moralités écrites avec une élégance qui ne bannit pas la simplicité. Mais il y a certainement une éloquence plus pleine, un style plus hardi, des mouvements plus pathétiques et des pensées plus profondes dans quelques-uns de ses autres sermons, tels que ceux sur la mort, sur l'impénitence finale, sur le petit nombre des élus, sur la mort du pécheur, sur la nécessité d'un avenir, sur la passion de Jésus-Christ. Lisez, par exemple, cette peinture du pécheur mourant. Enfin, au milieu de ses tristes efforts, ses yeux se fixent, ses traits changent, son visage se défigure, sa bouche livide s'entrouve d'elle-même, tout son esprit frémit, et par ce dernier effort, son âme s'arrache avec regret de ce corps de boue et se trouve seule au pied du tribunal de la pénitence. À ce tableau de l'homme impie dans la mort, joignez celui des choses du monde dans le néant. Regardez le monde tel que vous l'avez vu dans vos premières années et tel que vous le voyez aujourd'hui. Une nouvelle cour a succédé à celle que vos premiers ans ont vue. De nouveaux personnages sont montés sur la scène. Les grands rôles sont remplis par de nouveaux acteurs. Ce sont de nouveaux événements, de nouvelles intrigues, de nouvelles passions, de nouveaux héros, dans la vertu comme dans le vice, qui sont le sujet des louanges, des dérisions, des censures publiques. Rien ne demeure, tout change, tout s'use, tout s'éteint. Dieu seul demeure toujours le même. Le torrent des siècles, qui entraîne tous les siècles, coule devant ses yeux. Il voit avec indignation de faibles mortels emportés par ce cours rapide l'insulter en passant. L'exemple de la vanité des choses humaines, tiré du siècle de Louis XIV, qui venait de finir, et cité peut-être devant des vieillards qui en avaient vu la gloire, est bien pathétique. Le mot qui termine la période semble être échappé à Bossuet, tant il est franc et sublime. Nous donnerons encore un exemple de ce genre ferme d'éloquence qu'on paraît refuser à Massillon en ne parlant que de son abondance et de sa douceur. Pour cette fois, nous prendrons un passage où l'orateur abandonne son style favori, c'est-à-dire le sentiment et les usages, pour n'être qu'un simple argumentateur. Dans le sermon sur la vérité d'un avenir, il presse ainsi l'incrédule. « Que dirais-je encore? si tout meurt avec nous, les soins du nom et de la postérité sont donc frivoles. L'honneur qu'on rend à la mémoire des hommes illustres, une erreur puérile, puisqu'il est ridicule d'honorer ce qui n'est plus. La religion des tombeaux, une illusion vulgaire. Les cendres de nos pères et de nos amis, une vile poussière qu'il faut jeter au vent et qui n'appartient à personne. Les dernières intentions des mourants, si sacrées parmi les peuples les plus barbares, le dernier son d'une machine qui se dissout. Et pour tout dire en un mot, si tout meurt avec nous, les lois sont donc une servitude insensée. Les rois et les souverains, des fantômes que la faiblesse des peuples a élevés. La justice, une usurpation sur la liberté des hommes. La loi des mariages, un vain scrupule. La pudeur, un préjugé. L'honneur et la probité, des chimères. Les incestes, les parricides, les perfidies noires, des jeux de la nature et des noms que la politique des législateurs a inventés. Voilà où se réduit la philosophie sublime des impies. Voilà cette force, cette raison, cette sagesse qu'ils nous vantent éternellement. Convenez de leurs maximes, et l'univers entier retombe dans un affreux chaos, et tout est confondu sur la terre, et toutes les idées du vice et de la vertu sont renversées, et les lois les plus inviolables de la société s'évanouissent, et la discipline des mœurs périt, et le gouvernement des États et des empires n'a plus de règles, et toute l'harmonie des corps politiques s'écroule, et le genre humain n'est plus qu'un assemblage d'insensés, de barbares, de fourbes, de dénaturés, qui n'ont plus d'autre loi que la force, plus d'autres freins que leur passion et la crainte de l'autorité, plus d'autres liens que l'irréligion et l'indépendance, plus d'autres dieux qu'eux-mêmes. Voilà le monde des impies. Et si ce plan de république vous plaît, formez, si vous le pouvez, une société de ces hommes monstrueux. Tout ce qui nous reste à vous dire, c'est que vous êtes digne d'y occuper une place. Que l'on compare Cicéron à Massillon, Bossuet à Démosthène, et l'on trouvera toujours, entre leur éloquence, les différences que nous avons indiquées. Dans les orateurs chrétiens, un ordre d'idées plus général, une connaissance du cœur humain plus profonde, une chaîne de raisonnement plus claire, enfin, une éloquence religieuse et triste, ignorée de l'Antiquité. Massillon a fait quelques oraisons funèbres. Elles sont inférieures à ses autres discours. Son éloge de Louis XIV n'est remarquable que par la première phrase. « Dieu seul est grand, mes frères. » C'est un beau mot que celui-là, prononcé en regardant le cercueil de Louis le Grand.